horror and moral terror are your friends. Joie de quelques cœurs, vapeur des poumons, des fleurs de ce monde s'inondant à cœur joie, se cantonne aux poumons, se noyant de la donne, du poison de la peur jusqu'au sort des poissons. Des cages au papier en support des bourreaux et des sillons d'idées, des spirales au carré, du sabre de l'honneur tranché en 100 moitiés, au phénix qui meurt sans se réincarner. De l'instar des étoiles, l'étoilement des stars, du naître d'un trou noir, de soleil recouvré, à la nuit éclatée, arrêtée par le temps, décimée par l'ennui, des amants déchirés. Du scintillement du sang aux mouvements colorés, des néons écarlates aux esprits plafonnés, du vide dans la main qui cherche ses moitiés, aux pitiés de la ride et de l'éternité. Du naïf infécond en un monde castré, aux centales odeurs de mœurs calcinées, de l'ivresse d'envie au jouir d'une caresse, du paraît sans finir au doute de l'adresse. Des sentiers interdits au permis de tuer, des atomes désunis au métal forgé, de la pureté de l'air aux amères fiertés, des possédés du fiel à l'arc-en-ciel violet. De l'attente implacable aux secondes en fuite, des palpables ententes jusqu'aux ondes sans suite, d'un visage caché à un amour sauvage, de la peur d'exister à un baiser volage. Des terres desséchées aux récoltes d'un dieu, des pleurs et des sanglots à la mer des ruisseaux, de la vogue au naufrage, de la rage au dédain, des seins que l'on prételle au rappel des païens. Du chaos des murmures au silence énoncé, des flots et des cascades aux saccades des mots, que le règne soit jeu de la claire pensée, que le vous pleure et saigne, si vous pouvez saigner. Good grief!